sonné, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Comme aujourd'hui dans notre équipe, qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo 107 FM. Vous nous suivez également sur le web www.radiogemozo.eu. Bonjour à tous les amis Facebook. Plus de 500 personnes ont vu notre publication pour cette émission d'aujourd'hui. Alors donc merci à tous. Alors je fais un petit bonjour au Québec, la Suisse, la Belgique et l'Italie. On s'exporte sur Radio Gemozo. Alors bonjour Marc qui est à la technique. Bonjour Gilles. Merci d'être présent Marc pour cette journée fériée, hein, mais c'est sympa à toi. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur, je vous accompagne avec la plus belle musique en direct et ce jusqu'à 17h30. Pour cette émission, j'ai le grand plaisir de recevoir en live dans nos studios Christian Vidal, souvenez-vous. Voilà, avant de rejoindre donc notre invité, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio ainsi que sur la page Gilles Mougel officielle. Donc un bisou à toute l'équipe. Je vous attends bien sûr au standard au 03 29 62 40 40 pour nous faire un petit coucou à l'antenne et bien sûr interagir avec notre invité. Je rappelle que l'émission sera mise en podcast sur la page de la radio et rediffusée le dimanche 4 novembre sur la bande FM. Je retrouve maintenant Christian. Bonjour Christian. Bonjour Gilles, bonjour Marc et bonjour à tous ceux qui sont parmi nous aujourd'hui. Voilà, bonjour donc oui. Alors, donc on a Nathalie, voilà, Patricia et puis Christian. Alors Christian, comment vas-tu ? Mais je vais bien, voilà, tout va très bien. Tout va très bien. On vous a apporté un peu de soleil, donc voilà, oui, on a bien fait les choses. C'est ce que j'allais te dire, vous avez fait bonne route. Mais on allait se tutoyer. Oui, nous avons fait bonne route à nous deux, mais j'ai fait bonne route et nous avons fait bonne route, bien sûr. Tu as fait bonne route. Oui, ça s'est bien passé. Moi, je te remercie quand même, c'est très très très gentil, c'est un grand bonheur de t'avoir. Mais nous, on est contents d'être là parce qu'on découvre là. Enfin, je suis déjà venu il n'y a pas longtemps, je connais la région un tout petit peu. Tu connais les Bourges. J'ai un grand plaisir de venir par ici, on est déjà en vacances. Ah, c'est bien. Ah oui, pour ceux qui aiment la montagne. Ah oui, c'est formidable. Les Vosges. C'est une belle région. Ah, très belle. Une belle région en hiver, en été. Bon, un peu moins quand c'est le temps gris, tout ça, mais bon. C'est partout pareil. Oui, c'est partout pareil, ouais, c'est vrai que. Je veux pas dire c'est mortel parce que c'est pas le jour. Non, c'est pas bon. On est parti sur l'humour. C'est bien. Voilà. Alors, je profite, faire un petit coucou tout de suite, hein, pour pas que j'oublie. Donc, je te passe le bonjour de Lynn Massé. Oui, bonjour, Québec, oui, hein, tu le connais très bien, voilà. Bonjour aussi. Je m'a dit de te passer le bonjour. Merci. Ainsi que Nathalie Basselier. Oui, que je connais. Que oui, tu oui. connais, donc elle te passe... Ah bah... Alors... Bonjour Gilles. Bon, ça commence bien. J'avais pas fait le rapprochement, non mais je sais pas. Moi je me suis dit c'est une amie du Québec, je sais fait, pas, oui. tu vois quoi. Alors je fais aussi un petit coucou donc à Patricia, mais elle est là. On n'a pas fini. Ouais. Voilà. Non mais c'est sympa, c'est bien, hein, c'est bien toujours. Alors je fais un petit coucou aussi à un collègue animateur, Joël Arnaud, qui est animateur sur musique Schlager. J'espère que c'est bien ça, Joël. J'ai pas dit de bêtises. Voilà, moi, on te fait un petit coucou. Voilà. Alors, Christian, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi Eh bien, voilà, on s'est dit bonjour, tout ça. Oui. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, ton début de carrière, oui. Ah, on a du monde au téléphone. Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour. C'est Sylvie des Vosges. Ah. Sylvie des Vosges, joli. Oui. C'est très bonjour joli. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Plusieurs fois, oui. Ben, le bonjour à tout le haut de France, à tous les amis de Belgique, et puis de gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Et c'est quelle région dans les Hauts-de-France, Quelle région exactement? Dunkerque, pardon? Non, bah, tous les Hauts-de-France, à le nord, tout ça. Oui, mais parfois la petite région, Arras, Dunkerque, Non. C'est vaste, hein, les Hauts-de-France, oui. J'ai des amis un peu partout dans les Hauts-de-France. Ah, d'accord, là, voilà. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Ah, merci. De gros bisous, à bientôt. À bientôt. Merci, Sylvie. Oui. Au revoir. Au revoir. Eh ben voilà, c'est sympa tout ça. Ah oui, ça vient de loin en plus. Ça vient de loin, oui, effectivement. Voilà, donc Christian, on va faire un petit retour hein, sur ta carrière, sur ton univers musical, tout ça. Donc tu commences donc bien sûr dans un orchestre tout jeune. Tout jeune. À 17 ans, voilà. En fait, c'était tous des anciens scouts. D'ailleurs, on avait fait un camp ici, dans les Vosges. Ah oui, d'accord. Et c'est tous les anciens scouts. On s'est dit, on va fonder un petit orchestre, on va faire du bal. Et c'est comme ça que ça a démarré. J'ai eu l'occasion d'acheter une guitare. Quoique je préférais la batterie, mais c'était trop cher. Ouais. Alors j'ai pris la guitare et tant mieux, ça m'a permis de chanter. Autrement, je crois que je n'aurais jamais eu l'occasion de chanter en jouant la batterie en même temps. Je ne sais pas faire deux choses à la fois, voilà. D'accord. Donc c'est pas plus mal. Voilà. Alors ceci, donc, dans un orchestre, tu joues. Hein, donc on est avec les Snakes, c'est bien ça, j'ai bien prononcé après. Le groupe ? Oui. C'est les Snakes. Les serpents, oui, Snakes. Ah ouais, alors j'ai prononcé peut-être à l'anglais, là, non? Oui, mais c'est pas grave, je sais qu'il y a un côté verlan, comme ça, qui existe, ouais. Mais là, c'est Snakes. Snakes. Comme serpent. Il faut que je m'y fasse aussi, là. Ouais, c'est vrai que je dis souvent en radio, on est obligé de prononcer des fois des titres. Oui. Alors, soit en anglais, on passe des titres en espagnol, en italien, en allemand. C'est des titres qui manquent pas de venin, en plus, hein, les Snakes, voilà. Mais oui, c'est du passé tout ça. Donc c'est du passé tout ça, voilà, bien sûr. Alors ça jusqu'en 1972, ce groupe. Oui, disons que j'ai fait le service militaire comme tout le monde bien à l'époque, oui, ça durait quand même 15 mois. Et en revenant, j'avais plus tellement envie de faire du bal et c'est un pote, enfin un copain qui est saxophoniste et qui est resté saxophoniste après dans le groupe, oui, qui m'a dit tu veux faire un remplacement parce qu'il manque un chanteur dans telle soirée. J'y suis allé et là il y avait le directeur artistique de la maison Vogue. Vogue, d'accord. Et le gars m'a dit ça vous plairait. C'est demandé, hein, comment c'est c'est une question qu'il fallait même pas me poser. Bien sûr que oui, ça me plairait. Et je suis allé en studio, j'ai chanté un truc en anglais qui s'appelle The Green Green Grass of Home que je reprends maintenant sur scène. Il m'a dit ok, c'est bon, vous pouvez signer votre contrat. J'ai attendu, je veux d'abord en parler à mes parents. Oui. Et c'est comme ça que ça a démarré, c'était en 72. En 72, oui, c'est vrai qu'il y avait les parents qui étaient des fois d'accord ou pas d'accord. Enfin, ils préféraient peut-être que le jeune homme fasse ses études avant, et puis ensuite, bon, moi, j'ai quitté l'école tellement jeune, j'ai fait l'école de la vie, moi, pas tellement l'école à l'école, tu vois. D'accord. Mais ce que je veux dire pour les jeunes, parfois, qui écoutent, disent, mon Dieu, il n'y a pas d'avenir, c'est très difficile, mais si ce saxophoniste ne vient pas me chercher... Il fallait quand même déjà pouvoir. Hein, j'avais déjà eu pas mal de contrats avec les baloches, quoi, en faisant du bal. Mmh, bien sûr. Eh bien, je ne suis pas chanteur aujourd'hui, quoi, hein, avec les années et tout ce que ça comporte. Bien sûr. Donc, il y a toujours une petite. On dit en Amérique, il suffit de 5 centimes et ta vie peut changer. Si le gars ne vient pas sonner pour ce remplacement, eh ben, je passe à travers. D'accord, oui. Il y a toujours une petite surprise dans la vie, donc il faut y croire. Quoi. Ou une chance, un petit coup de chance. C'est un grand coup de chance. Et il suffit d'être un peu préparé, parce qu'après, j'ai quand même pris des cours de chant par la suite. Oui, bien sûr. Ça, ouais. C'est pas aussi simple. Puis comme je dis souvent, ben, je veux dire, comme tu disais, les baloches, c'est une bonne école. C'est les balles populaires. C'est une bonne école, je pense. C'est une bonne école pour démarrer et tout. Absolument. Alors, en 72, tu sors quand même un premier 45 tours. Qui s'appelle un peu de sympathie, c'est bien ça. Hein, c'est le tout premier 45 tours. C'est le tout premier, avec une voix très nasillarde. Enfin bon, voilà. D'accord. Mais ça a plu. Et de là, la maison de disques a dit, bon, parce qu'ils ne sont pas si gentils, hein, les maisons de disques. Si ça ne marche pas, on vous dit au revoir. Hein, c'est tout simple. Hein, même à l'époque, ça a toujours existé. D'accord, toujours. Ouais. Donc là, ils ont dit, bah, ça a pas mal. Il a vendu quand même quelques disques. On va en essayer un deuxième. Et là, Angélique, 1,6 million. 1045 tours. Ah oui, ça c'était énorme. Tout de suite, j'ai signé 5 ans. Ah oui, oui. Je ne peux partir alors. Angélique, alors on va bien sûr l'écouter. Alors moi, je précise quand même, parce que j'y tiens. Donc, j'ai une fille. Oui. Elle s'appelle Angélique. Et si je l'appelais donc Angélique, ben c'est grâce à ta chanson. Merci, je suis content. Et en plus, tu m'as dit au téléphone qu'elle le portait très bien, que ça lui allait bien. Ah oui, était content. Parce que parfois, il y a des prénoms qui ne plaisent pas. Alors, Si, c'est vrai que. Oui. Non, elle est très, très, très souriante, très. Bien sûr, je vais dire que du bien de ma fille. C'est tant mieux. Non, c'est bien. Non, elle le porte bien. Voilà. Parce que parfois, tu fais un tube avec Gertrude, c'est beaucoup plus difficile à porter. Alors, si tu avais fait un tube avec Gertrude, je ne l'aurais pas appelé Gertrude. C'est plus compliqué par la suite. C'est vrai. Après, c'est des prénoms qui sont un petit peu plus lourds à porter. Quoique c'est un beau prénom. Si ça se trouve, il y a une Gertrude qui nous écoute. Oui, qui nous écoute, il faut qu'on fasse attention. Alors, si tu veux bien, Christian, donc on va. Comme je disais tout à l'heure, on va essayer de remonter un petit peu dans ta discographie, les années 70. Oui. Moi, ça me tient tellement à cœur ces années-là, parce que j'étais ado dans ces années-là. Je veux dire, c'était des belles années, des années bonheur, tu vois, c'est le titre de mon émission. Les années bonheur, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était une époque formidable. C'était les glorieuses, comme on disait tout à l'heure. Comme on disait tout à l'heure, les glorieuses, bien sûr. Et c'était de belles chansons, avec toi, avec plein d'autres artistes. On était très nombreux. Vous étiez très nombreux. Un tour, ça fonctionnait. Ça fonctionnait, ouais. Ah oui, tout à fait. Ah, c'est vrai. Donc, on s'écoute Angélique. Jour après jour et pour toujours. Voilà, Angélique. Alors, ce deuxième 45 tours, hein, Christian, hein, c'est bien oui, ça. Oui, c'est le deuxième donc, 45 tours. Donc là, un gros carton, 1 600 000 exemplaires. Celle-là, on est parti pour 5 ans. Donc le contrat est signé avec Monsieur Caba, qui est le directeur de la maison de disques en France, à Paris. Et là, il pousse tout le monde en disant tous les directeurs artistiques du coin et surtout Roland Verloven Armat de créer encore des chansons qui font que ça fonctionne bien et, ça fonctionne bien. Et que l'argent rentre bien dans la société. Parce que c'est vrai que je pense que c'est pas évident. Alors, je veux dire, après un gros succès comme ça, il faut retrouver d'autres chansons qui. Oui, mais avec le temps, on se rend compte que les gens retiennent qu'un seul titre. Ouais. Au début, bon, il y a les fans qui se disent oh, il y a eu Sérénade, après il y a eu. Mais les gens en général, c'est le titre. Ils connaissent même mieux le titre Angélique que Christian Vidal. Donc le titre est plus fort que l'artiste. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a des gens, c'est le contraire. Par exemple, un garçon où on a les deux, c'est Plastique Bertrand. Ça a plein de pour moi. Là, on a les deux. On a tout de suite. D'accord. Là. Ouais. Mais ici, Angélique, ah, c'est qui a encore chanté ça? C'est pas Christian Machin. Non, ils connaissent pas trop le nom. Ouais, c'est vrai que. Je parle. Mais... En général. En général, oui, bien sûr. Ouais. Et je pense que de toute façon, dans tous tes concerts, etc., tu ne peux pas occulter Angélique de tes concerts. Tu chantes deux fois, trois fois. Ouais. Hein. C'est la chanson que les gens demandent. C'est aussi la chanson qui fait que quand je vais chanter quelque part, il y a encore du monde, quoi. Parce que les gens ont envie de revoir leur passé et de se retrouver 40 ans. Bien sûr. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes comme ça quand même, je veux dire, qui ont eu un titre fort. Hein, oui. Mieux s'il y en avait 5-6 derrière, mais bon, avec un titre, c'est déjà pas si mal. Je pense que quand même, il y a eu comme des beaux succès. Hein, si on parle il y en a de eu, Sérénade, mais je veux dire, dans les titres très très forts, c'est ça quoi. Voilà. C'était quand même numéro 1 pendant un temps à RTL Paris quand même. À l'époque, c'était pas si facile, il y avait tellement de monde. Avant la Les Lits d'amour de Michel Sardou. On n'est pas resté longtemps, mais on est resté quand même 2-3 semaines avant lui. Parce que tout le monde était content dans la société. T'as vu, tu vends plus que Sardou. Oui, parce que Sardou est resté 11 semaines au Hit Parade en 1973 avec la maladie d'amour. Ah ouais, c'était énorme. Et puis il y a aussi un autre artiste, d'ailleurs que tu connais aussi, Pierre Charby. Qui a fait avec You. Tu as des nouvelles de lui c'est alors, j'ai des nouvelles de Pierre, oui, bien sûr. Maintenant, récemment récemment, oui, en message privé, si tu veux, sur Facebook. Hein. Donc, je l'ai eu aussi au téléphone, je l'ai aussi de temps en temps au téléphone. C'était ça. Quel titre aussi. Quel titre, c'est pareil, il était un petit peu aussi en concurrence, je ne sais pas, avec Michel Sardou, il est resté aussi longtemps, Pierre, son titre You, on vous a rencontré avec Patricia tous les deux. Alors ça remonte, c'était à Veynes-les-Aubert en 2013. Exact. Ah bah tu Mado était là aussi. Mado était là. Il y avait aussi que je ne connaissais pas à l'époque. C'est rigolo parce qu'il y avait aussi Roselyne de BLC. Ça te parle? Non, Roselyne d'une radio donc de BLC dans le Nord, à Coudry. Oui, Coudry, je connais Coudry. La radio, mais personne... Non, ça te dit rien. Moi, je n'ai pas de mémoire des noms. D'accord. Donc, nous étions venus avec Patricia, vous voir, donc toi et puis Pierre. Ouais, c'était bien, Pierre on avait fait des... Je me souviens, on a passé une bonne soirée là avec Pierre. Ah oui, c'était sympa, oui. C'est pas si loin, ça fait quoi, 8 ans ou 2013, je dirais moi. Combien 2013, ça fait 5 ans alors. 2013. Ouais, bah voilà, quand même 5 ans... C'est là que j'ai commencé à faire mes petites chansonnettes. Ah, si, c'était 2013. Alors, Christian, dans ta discographie, etc., il y a beaucoup de prénoms féminins. Oui, mais ça, c'était... Alors, je cite, excusez-moi. Il y en a beaucoup. Pas, Angélique, Julia, Marie, Nathalie, Mélinda. Oui. J'en ai peut-être oublié. C'est vrai. Est-ce que c'est Marie aussi, tu le viens de te dire Marie, peut-être. Oui, ah, Marie. Ouais, Marie. Marie, est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que non, c'est pas du tout. Ce sont de. Donc, à l'époque, j'étais donc interprète. Oui. Ce qui fait que les auteurs-compositeurs, comme ils savaient que les prénoms, ça faisait vendre, parce que on nous appelle quand même des chanteurs à Minette. Exactement. Je l'ai pas dit, c'est toi. Et voilà. Et donc c'était. On va toucher toutes les Maries maintenant. Ah, les yeux de Marie. Allez, maintenant. On va qu'est-ce attaquer toutes les... Voilà. Melinda, allez, voilà. Donc, et moi, j'étais un peu dans le style « Sois beau et tais-toi », on te présente des chansons, et puis à un moment donné, tu dis « J'en ai un peu marre de chanter ça », et comme de par hasard, c'est des trucs qu'il ne faut peut-être pas trop dire par après, par les maisons de disques, parce que si ça ne vend plus, tu n'existes plus. Hein. Ça va aussi vite que ça. Hein, voilà. Ça file vite. Il faut du rendement. Mais... Hein. Je dirais quand même un petit peu, peut-être moins que maintenant quand même, non, je ne sais pas laquelle... Non, il y a toujours non, je me trompe. C'est un commerce. Hein. C'était un commerce. C'est un commerce. Bah, tout ce qui moi, est... je pensais que c'était plus, plus facile. Ils ont sans déjà... être facile là, dans les années-là, 70, c'est... que maintenant. C'est plus difficile maintenant, parce qu'on ne vend plus rien. Oui, tout à fait. Parce que le problème, c'est que les gens n'achètent plus le CD physique. Mais tu veux, là, maintenant j'ai regardé la télévision là, hier avec Johnny Hallyday, et on parle que d'argent. Ah oui, bien on sûr. On sait déjà qu'elle va gagner 2 millions d'euros, sa femme, voilà, et autant d'argent pour Universal, autant d'argent. Donc on revient toujours à un mot clé, l'argent. Donc c'est pas pour rien qu'ils ressortent un 33 tours, et tant mieux pour tous les fans, c'est pas ça que je veux dire. Bien sûr. Mais c'est quand même un énorme commerce le disque quand même. Ah c'est oui, c'est, gros, ça, ouais, ça, c'est une industrie. Oui, bien sûr, oui, oui. Et depuis qu'on ne vend plus, il y a de moins en moins de maisons de disques. Hein, ça, voilà. Bien sûr, oui. C'est ça, je veux dire, il n'y a plus, plus de vente physique, tout passe par les réseaux. Tout passe par l'ordinateur, il y a des gens qui maintenant arrivent à... Par le streaming, alors il y avait le téléchargement légal bien sûr. Après, il y a le streaming qui maintenant le streaming passe au-dessus du téléchargement. Et tu vois, ça c'est des mots que moi je connais pas. Je n'arrive pas à envoyer. Maintenant, j'arrive seulement à envoyer le streaming. Yes. Le streaming. Non, je veux dire, bon, le téléchargement, il y a pas de souci, tu connais. Oui, ça, sur les plateformes, iTunes, Spotify, etc. Et maintenant, il y a le streaming. En fait, c'est-à-dire que les gens écoutent, mais n'achètent plus. Même le téléchargement. Ils écoutent comme ça, c'est tout. Donc après, je sais pas, c'est l'époque comme ça maintenant. Bon, moi je le dis toujours, je sais que moi quand j'aime un artiste, j'aime bien voir l'album, le CD. Maintenant, voilà, je dis, le vinyle revient aussi. Que c'est en train de rechercher quelque chose qui pourrait refaire revivre toutes ces belles années. Peut-être qu'un jour ils vont ressortir le vinyle parce que c'est quand même une matière. C'était agréable. Et il y avait une pochette, il y avait une photo. Les jeunes filles ont besoin de rêver. Bien sûr. Et dire j'ai des photos de lui chez moi, dans ma chambre. Oui, bien sûr. C'était ce qui se passait dans les années 70, 60. Parce que maintenant, ce qu'on ne trouve plus, appelle l'idole des jeunes. Toutes les pochettes étaient tout autour dans la chambre. Et les posters. Oui. Ah, c'est vrai. Et puis, je veux dire, c'est bien. Et puis, il y avait les magazines aussi, quand même. Les magazines. Podium. Salut les copains. Voilà, c'était formidable. Maintenant, il n'y a plus rien. Il reste encore des magazines pour les groupes de rock. On a Rock and Folk. Les Rolling Stones, il y a deux, trois magazines comme ça qui restent, mais je veux dire, sur la variété française, et puis même un peu internationale, je veux dire, on n'a plus rien, on n'a plus de magazines, nous, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est un peu dommage. À part les bouquins, les machins people, mais ça c'est bon, c'est du people. Et puis, ce qu'on appelle ces réalités en question, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais, mais ça, c'est... Tout le monde se photographie avec les selfies et on s'envoie les messages. Tout à fait. C'est la réalité d'aujourd'hui. Ouais. Alors j'ai un petit message, je salue mon ami Thierry Brenner, c'est un auteur. Il m'a mis un petit mot, parce que on a parlé de la chanson Green Green Glass of Home tout à l'heure, en début, non, je sais plus. Quelle chanson ? Le Green Green Glass of Home. Ah oui, mais ton accent est magnifique. Oui, merci. Je me demandais de quoi tu parlais. Je sais que à chaque fois que je vais prononcer un mot anglais, Marc il rigole derrière la vitre. Je veux bien croire. Alors, comme tu dis, le Green Green Glass of Home, C'est une chanson de Tom Jones qui est de Green Grass of Home, l'herbe voilà. verte de la maison, quoi, de chez moi. Voilà. Par mais Tom oui, Jones. C'est une chanson de Monsieur Tom Jones qui date de ma jeunesse. Voilà. Donc alors bon, alors je fais le petit aparté là parce que bon Thierry Brenner qui est un auteur de talent, je sais pas si tu connais. Donc il fait un bonjour, il nous fait un bonjour à tous les deux. Ah, c'est très gentil. Ah, voilà, je vais sur le petit message. Mais merci du message. Hein. Ah, voilà, voilà. Et lui, il a bien prononcé. Il a bien écrit. Ah. je pense qu'il doit bien prononcer quand même. Tu te présentes beaucoup de chansons anglaises ? Ben, ça m'arrive. Alors, les gens, ils doivent deviner, quoi. On va vous passer maintenant de Ring Fast. Je sais qu'il y en a... Tout le monde est là. Qu'est-ce que c'est comme truc ? Alors, j'essaie quand même de m'appliquer. Oui. Alors, je vais te dire, quand c'est des titres courts, ça va ? Ça va. Mais tu sais, quand c'est des titres un peu plus longs, c'est plus difficile. Alors je les prononce qu'une fois, puis après bon, j'en parle une plus. Chanson tu vois. Des Rolling Stones. Non, ça va, ça, tu vois. Ça va. Voilà. Alors Christian, oui. On va écouter encore une autre chanson des années 70. Oui, c'est bon, voilà, on va passer ce titre Si tu voulais. Oui. On bien, passe. Oui. Si tu voulais. Voilà. Excuse-moi, Marc. Je savais que tu viendrais me revoir à la fin du jour. Je savais qu'on finirait par s'embrasser. Il fallait qu'une guitare nous encourage à nous aimer, pour qu'enfin nous chanter ces mots d'amour. Si tu voulais, ce soir ou demain, de devenir ma plus tendre habitude. Si tu voulais me tendre la main, je ne connaîtrais plus la solitude. Tu sais bien qu'un souvenir suffit pour être heureux. C'est bien que d'un sourire, on peut être amoureux. Si tu voulais me tendre la main, tu serais mon tout dernier refrain. De regard, tu as changé le moindre geste de ma vie. À présent, je ne sais plus très bien que faire. Chaque chose me semble vide ou bien me paraît étrangère. C'est pourquoi dans ma chanson, je te redis. Si tu voulais, ce soir ou demain, devenir ma plus tendre habitude. Je ne connaîtrai plus la solitude. C'est bien qu'un souvenir suffit pour être heureux. C'est bien que d'un sourire on peut être amoureux. Si tu voulais me tendre. Voilà, si tu voulais, on vient d'écouter un titre donc de 1975, hein, donc de ta période de Vogue, Christian, oui, hein, Vogue. pas Vogue la galère, de non, chez Vogue. Déjà, Mozo, tu m'as dit que c'était un cours d'eau, donc Vogue, oui. Voilà, Vogue, oui. Voilà, donc si tu voulais, en 1975. Alors... sur toutes ces chansons-là, donc, on a écouté Angélique, on a écouté Si tu voulais. Bon, bien sûr, il y a eu Sérénade, Julia, Souviens-toi. Ah non, ça, environ, on en reparlera après. Oui. Non, parce que c'est plus récent. Je t'écoute, donc, moi. Oui, oui. Je m'en dis à ton aide. C'est plus récent. Je dis, là, à ce moment-là, tu ne composes pas, tu n'écris pas. C'est, ben, si, j'écris, mais... C'est avec Armart et Albin que tu fais ces titres-là. Très difficile à passer des titres. Et comme j'expliquais hors radio, enfin hors micro, une fois que tu quittes une maison de disques, en plus volontairement, c'est comme si tu fermais la porte à tout ce qu'on t'avait offert. J'étais toujours représenté à toutes les émissions chez Gilux, et de ceci on avait. Il y avait bien System sûr. 2, il y avait Ring Para, je sais pas si tu te souviens. La Nuit est à vous, je me souviens bien. Voilà, Samedi est à vous. On parlait d'émissions on a parlé aussi tout à l'heure d'émissions de variété. Ouais. Là, on avait des belles émissions de variété. C'était les émissions. Les Mariti, Gilbert Carpentier, je sais pas si tu... Ça, ils étaient en guerre avec Gilux. D'accord. Donc si tu passes chez Gilux, tu passes pas chez Mariti. De passer de l'autre côté. Mais tout ça, tu apprends après, parce que tu vois ça comme ça de loin, tu dis tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, il y a une guerre intérieure quand même. Voilà. Donc c'était difficile de passer chez l'un et de passer... Non, il y a une frontière. D'accord, ok. Ouais. Et donc comme j'ai quitté la maison de disque après 4 ans et que j'ai rompu le contrat, j'ai fermé moi-même la porte à toute la promotion. Mais un artiste ne vit qu'à travers la promotion. Ouais. Tu sais que si tu es numéro 1 et de parade, tu as beaucoup de concerts. Bien sûr. Parce que les organisateurs regardent les 10 premiers du hit parade de l'époque, regardaient les 10 premiers du hit parade de l'époque pour dire celui-là on va l'engager. Et tu avais les impresaris qui te faisaient travailler. Mais si on ne te voit plus en télé, tu meurs. C'est fini. On t'oublie, quoi. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est très difficile. Il ne faut pas avoir des moments de nervosité comme j'ai eu. Il faut mieux réfléchir avant. <D'accord>. Parce qu'une fois que j'étais dans une autre maison de disques, chez Plateforme 2000, très difficile d'avoir de la promo. Hein. D'accord. Ouais. Même Daniel Guichard a fait sa promo différemment. Il a beaucoup parlé quand il est tombé dans le désert là, avec son avion. Tu te souviens de cette époque? Non, c'est un merveilleux artiste, Daniel. Daniel Guichard. Il était perdu dans le désert du Sahara avec l'avion qu'il avait guidé, tout ça. Mais c'est il a été très intelligent, il avait pris un photographe avec lui. D'accord. C'était bien pour remplir les journaux. Mais c'est passé à la télé. Ah oui, d'accord, ok. Bah oui, mais c'est passé aux heures de grande écoute. D'accord. Je me souviens pas ça, mais c'est vrai que bon. Mais tu étais trop jeune. Oh, mais. Tu crois? J'imagine. C'est vrai aussi que les artistes. On parlait tout à l'heure de Salut les copains, par exemple, ou aussi de Podium. Même sur Salut les copains, je me souviens, les photographes inventaient des fois, faisaient des photos. On disait tel artiste a eu un accident, alors on le photographiait avec. C'est un exemple. Maintenant, c'est pas un exemple, c'est la vérité. Mais c'était. En fait, c'était aussi pour attirer le public. Bien sûr, le public. J'ai jamais été aussi riche. J'étais dans une espèce de voiture sport, je crois que c'était Lotus ou un truc comme ça. Christian vient d'acheter sa nouvelle voiture. Ouais. J'avais laissé mon vieux bol avant les photos dans la rue, et puis j'ai mis mon derrière dans la voiture sport qui appartenait au directeur du journal, et puis après ils m'ont amené en Camargue, je peux dire les vérités parce qu'après on en rigole bien sûr, et là ils m'ont mis sur un cheval, enfin j'ai quand même pu grimper tout seul, je dis que pas trop, hein. Ouais. Et des photos, et puis voilà, Christian vient d'acheter son cheval ici en Camargue, pas monter à cheval en plus, c'est n'importe quoi, mais ça faisait vendre les journaux. Voilà, exactement, puis les jeunes lectrices, tout ça, étaient contentes. Il est milliardaire, t'as vu, il a déjà acheté un cheval comme d'acheter un paquet de frites. C'est extraordinaire. C'est que vous faisiez quand même rêver les jeunes filles. On montait sur le cheval et on redescendait droit après la photo. C'est tout. Non mais je le dis souvent, c'est vrai. Vous, les chanteurs, à Minette tout à l'heure, comme on disait, vous faisiez rêver les jeunes filles. On jouait le jeu. C'était bon enfant, je veux dire. Et puis nous, les jeunes hommes, ça nous servait aussi. Ah oui? Ah bah oui, non mais moi je sais que, voilà, tu vois, je veux dire, bah oui, quand on allait au bal avec les jeunes filles, on avait toujours des histoires, à l'époque on chantait à 23h, sous chapiteau, ou parquet comme on disait à l'époque. Ouais. Donc une fois que l'artiste de l'époque montait sur scène, musicien, parce que c'était encore les musiciens, hein, c'était beaucoup mieux que maintenant, eh bien les filles venaient se plaquer contre la scène. D'accord, Et elle criait tellement qu'on n'entendait même plus la musique, rien, tellement c'était hurlé. Et tous les mecs étaient au bar. Et là, ils buvaient et ils râlaient en plus. Donc il y avait des bagarres. Moi, je voyais les poursuites voler dans tous les sens, des bagarres, des machins, des trucs. Et là, tu te dis, pourvu que ça s'arrête et qu'on n'ait pas de problème pour rentrer à la maison. Bien sûr, terminait en bagarre. J'ai une anecdote comme ça. Enfin, c'était donc Pierre Charby qui me l'avait raconté. Il était ami. Je sais pas si tu as rencontré Mike Brandt. Oui, bien sûr. Donc, ils étaient tous les deux à un moment, je sais plus, c'était dans un restaurant, enfin quelque chose comme ça, ils dînaient ensemble et à un moment il a fallu qu'ils sauvent un On a qui sauve, voilà, vous avez tous connu ça, qui se sauve parce que... Parce qu'ils ne savaient pas payer l'addition. Oui, oui. Non, non, non. En plus. Non, mais il y avait les fans, enfin les fans, et puis on avait certaines questions. Mais moi j'ai eu le problème, on a été mangé pour avec un producteur juste à côté d'une école de filles. Et là, on a dû s'en courir par les cuisines parce qu'à un moment donné, c'était. Mais maintenant, ça n'arrivera plus jamais, ça je peux te dire. Ouais, c'est mais c'était même... l'époque où, quand tu as du succès, ouais, en plus elles ont 15-16 ans. Mmh. Et... Bien sûr, c'était. Et c'est l'engouement, quoi. Hein, l'une attire l'autre. Moi j'ai vu ça dans des concerts chez nous, à Mirebon. Pour pas citer par exemple Frédéric François, il était venu une fois, c'est la folie, il y avait les pompiers qui étaient là pour faire la, ouais. Pour faire la, comment je veux dire, la sécurité, mais les nanas qui montaient sur la scène, c'était fou, oui, ils les reprenaient, ils les redescendaient, elles remontaient du côté, tu sais, derrière les enceintes et tout, c'était comme ça, on l'a eu, il y avait deux gars qui prenaient leur boulot pendant qu'on chantait, c'était simplement de prendre les filles et les remettre dans la salle, ouais. Il y avait deux mecs propres. Voilà, ouais, c'est leur ça, job. Ouais. Et les filles, les jupes en l'air, bonjour tout le monde. Ouais, ouais. Heureusement que c'était le noir complet. Dans le... enfin, c'est du passé tout ouais, ça. C'est vrai, ouais. Mais je pense quand même que c'était une belle époque. Comment tu l'as vécu? Enfin, moi, on a parlé comment tu l'as vécu, cette période, on va dire, des années 70. C'est un cadeau. Oui. J'ai eu un très beau cadeau de vivre ça parce que, d'abord, l'époque était formidable. Maintenant, quelqu'un qui ferait le même chemin, c'est pas du tout pareil. Là, on était quand même super gâtés. Hein, on avait tout. Hein, donc, on avait une grosse maison de disques qui était financièrement très à l'aise, qui pouvait permettre des billets d'avion, permettre des... Et à l'heure d'aujourd'hui, tu peux prendre ton billet toi-même et ton billet de train et ton métro. Hein, oui, tout ça, c'est très difficile maintenant. Ouais. À part quelques-uns, les quelques privilégiés. Donc là, nous, on était très gâtés, tous les chanteurs de l'époque, parce qu'on vendait beaucoup de disques. Oui, quand quelqu'un dit « j'ai vendu 1 million de disques », quelque part, on dit « ouais, mais c'est l'époque où c'était quasiment normal, quoi ». Oui, oui, c'est... Voilà, oui. Donc, un million d'exemplaires, par exemple, c'était un disque d'or. Disque d'or, ah, oui. C'est ça, un disque d'or, ouais. Après, c'est magnifique parce que regarde, on reparle de Johnny, lui, il t'offre à nouveau offert des disques. Là, il est déjà près d'1 million, là, ou quelque chose comme ça, ou 100 000. Il est pas loin, je crois, les 33 tours. Ouais. Hein, c'est autre chose. Donc c'est fabuleux, c'est encore lui qui fait un exploit, même après sa mort. Hein. Alors, on va écouter une autre chanson. Avec plaisir. Hein, bien sûr. On va écouter, Julia. Julia. Ah, encore un petit prénom. Allez, encore un petit prénom. Julia. Elle avait 15 ans, Julia. Elle était jolie, Julia. Elle avait quelque chose de toi. Elle portait des jeans bleus, Julia, et un ciré rouge à petits pois. Exactement le même que toi. J'ai cru que jamais, Julia, je ne l'oublierai, Julia, quand elle est partie loin de moi. Si je te raconte tout ça, c'est que dans le cœur de Julia, c'est toi que je cherche déjà. Toi que j'attendais, toi que j'espérais dans le noir, toi que je voulais, toi pour qui j'ai chanté ce soir. Ah, ah, ah. Elle était jolie, Julia, avec ses yeux clairs, Julia, qu'elle ne maquillait presque pas. Elle chantait mes chansons, Julia. Elle les savait par cœur, Julia. Ça l'amusait autant que toi. Toi que j'attendais, toi que j'espérais dans le noir, toi toi que je voulais, toi pour qui j'ai chanté ce soir. Ah, alors on vient d'entendre Julia, il faut que je prononce comme il faut. C'est Julia, oui. Julia, hein, donc avec Christian Vidal qui est dans nos studios cet après-midi sur Radio Guémozo, dans les années bonheur. Voilà, oui. Je précise. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40, comme Sylvie tout à l'heure, voilà, pour nous faire un petit coucou et puis interagir. Oui, Sylvie est un très joli prénom que je pourrais peut-être y penser. Bonjour Sylvie. Après Julia, oui. On a fait une autre chanson. Donc on a parlé bien sûr tout à l'heure donc des passages radio, hein, Guy Lux, tout ça, Daniel Gilbert. Daniel Gilbert, je crois qu'elle retravaille à nouveau en télé, mais je suis pas trop sûr, je vais pas trop m'avancer. Pas, voilà. Alors, je sais qu'elle a fait un livre, Daniel Gilbert, où elle parle un petit peu de toutes ces années-là où elle présentait cette émission. Elle a quand même fait un merveilleux parcours. Elle a fait un beau aussi, parcours, voilà. Ouais, donc, ouais. Mm-hmm. Mais c'est la vie, c'est un métier comme ça, on peut être à l'affiche et puis du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, voilà, bien sûr. Il y a des petites tours au-dessus avec quelques présidents qui dirigent, oui, très compliqué. Ouais, c'est vrai que. Alors, il y avait aussi avec Michel Prouveau. Maintenant, régulièrement. Régulièrement, ouais, ça toujours. Ça c'est très bien pour nous, parce que déjà, comme disait la dame tout à l'heure, ça nous fait tourner dans les Hauts-de-France, ça nous fait tourner un peu partout, parce que ça tourne dans ces coins-là. Ouais. Et c'est regardé. C'est une télé qui s'appelle VO, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et les gens, ils peuvent sur télé dire, ah tiens, voilà, notre programme, il va passer à... Beaucoup d'artistes de l'époque chez lui et il présente ça très très bien, c'est une belle émission. Alors il reste une émission quand même qui passe sur France 3, je crois. Avec Lecoq, avec Yves Lecoq. Avec Yves Lecoq, voilà, c'est voilà, ça. En tant que présentateur. Je l'ai jamais fait, cette journée. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui à Cambrai en 74, mais je ne l'ai pas beaucoup rencontré. D'accord. Alors c'est encore une émission qui est encore assez sympa, quoi. Je veux dire, on reparle du bon temps, du bon vieux temps, tout ça, c'est vrai, on voit bien tous les artistes, là, c'est vrai que c'est sympa, ça passe bien, ça passe le dimanche aussi, je crois. Pardon. C'est bien de s'envoyer des petits messages. Oui, comme ça. Ouais, c'est mignon, oui. Voilà. Donc, donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, la belle période, hein, donc c'est les années 70. Tu t'arrêtes. Ça diminue en 1978. Oui, par là, ça se termine niveau des émissions. Comme des émissions. Tout à l'heure, hein. Et puis là, moi, j'ai l'occasion de rentrer, suivre des cours à Bruxelles, l'art dramatique. D'accord. Je m'inscris aux cours. Et par la suite, j'ai eu la chance de jouer quand même trois pièces. J'ai fait trois tournées avec. C'était tout à fait différent, et ce qu'il y a de merveilleux avec le théâtre, c'est qu'on n'est pas tout seul, quoi. D'accord. Sur scène, on avait les musiciens, mais c'est quand même encore différent que d'avoir cette relation avec d'autres comédiens. Il y a beaucoup de rire, parce que c'était quand même du boulevard. Bien sûr. Ils sont en train de se faire des petits mots d'amour juste devant mon nez, et je suis obligé encore de parler. Et voilà, donc je t'écoute, Christian. Oui, je t'en prie, fais attendre. Non, je t'écoute. Et et voilà. Tu vois, c'est ça le théâtre. Justement, c'est là où tu t'attends le moins qu'il se passe quelque chose. Mais bon, on est en direct. C'est une anecdote du théâtre, oui. Moi, j'avais une petite question. Oui. Je veux dire, fin 78, ça se termine, mais il y a eu aussi l'ère disco. Enfin, je veux dire, la musique disco qui est arrivée. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de moment que ça se termine. Oui, non. J'allais dire pour plein de chanteurs. Il y a eu un creux de la vague. À l'époque, c'était Europe ou RT, je ne sais plus. Ils ne voulaient plus entendre des niaiseries, voilà ce qu'ils ont dit. Ah et bon oui, des niaiseries et surtout de belgeries, parce qu'il y avait Frédéric François qui venait de Belgique. Ah, oui. Il y avait pas mal de chanteurs qui venaient. Chanteur. Donc on fermait carrément les. Voilà, ces gens-là ne passent plus en radio. Ouais, ouais. Donc on fait la pluie et le beau temps quand même. Oui, hein, d'accord, c'est sûr. Ouais. Et notre chance à tous qui ont eu l'occasion de faire des. C'est vos radios. Oui. C'est toutes les radios, ça a été la révolution, ce qu'on appelait à l'époque des radios libres. Les radios libres, et oui. Là, on reparlait de tous ces chanteurs qu'on avait mis un peu, et même plus qu'un petit peu, de côté. De côté, oui, oui. Donc oui. On a pu faire des spectacles, on a grâce aux radios. D'accord, oui, parce qu'à l'époque, il y avait trois grandes radios. Les radios libres, les radios comment Radio libre, oui. Oui, oui, oui. C'était dans les années 80. Parce qu'il y avait, il faut dire, dans les années 70, il y avait trois grandes radios, RTL, Europe 1. Radio oui, Monte Carlo, France Inter. Et ça, c'était culture. Donc, et ça, c'est, voilà. Donc, ça nous a fait beaucoup de bien, nous, toutes ces radios-là qui ont. Mm-hmm. Puis moi, en 83, j'ai la chance d'écrire un tube en Belgique, ce qui me fait retravailler de nouveau vers. J'ai remonté un orchestre, on a retravaillé. Mais c'est une chanson qui n'a pas passé les frontières. C'est On est bien dans sa peau. En France, non. Après, je fais un autre titre, c'est Amazonie. Là, ah oui. Martin, ça, Jacques Martin, il aime bien. Je refais une télé, c'est 84, 85. Donc, tu vois, on est tous en train d'essayer de revenir. De revenir, oui, tout à fait. Mais très difficile. C'est un peu comme le boxeur qui veut monter sur l'œil. Hein. Il dit non, pas vous. Non, pas vous. Alors, t'as mené écrasé, hein, parce que non, pas vous. Hein, voilà. Alors, avant de parler théâtre, je veux dire, après, bon, tu t'arrêtes, tu fais du théâtre. Oui. Et je veux dire, après, la musique, ça te manque pas ou en parallèle, ouais. Tu continues. Bah, c'est quand tu as fait autant de spectacles, ouais. T'as fait le tour, chapiteau, bonjour et tout ça. Mmh. C'est gai de changer, faire autre chose. De faire autre chose, quoi. Absolument. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, ce théâtre. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'autrement, on gamberge trop, on dit pourquoi, est-ce qu'il faut le bon titre, est-ce qu'on a... Et c'est pas pour ça, il y a toujours des équipes qui essaient d'écrire derrière toi, mais ça ne passe plus. Ça passe plus, oui, d'accord. Il y a plus là, donc c'est beaucoup de travail pour rien. Mmh. Hein, beaucoup d'heures de travail pour rien, bien ou pas bien, mais c'est beaucoup d'heures de travail pour rien. Parce que c'est vrai qu'il y a des chanteurs qui l'ont mal pris, qui ont fait des... Enfin, je dirais qu'ils sont partis un petit peu en... En vrille, quoi, je veux dire... On part tous un peu, c'est un peu comme si le... Si on saute en parachute, il ne s'ouvre plus, quoi. Oui, oui, là, tu te poses des questions, c'est clair. Oui. Bah, c'est pas facile de toute manière. Hein. Il y a beaucoup de moments où on se pose beaucoup de questions, c'est comme bien dans sûr, tous les métiers. Maintenant, c'est dans tous les métiers. Hein. Oui. Il n'y a pas que la chanson. Pas que la chanson. Ils appellent ça les contrats déterminés et indéterminés. Mais les gens n'arrêtent pas de se poser des questions. D'accord. Alors donc, trois pièces de théâtre, hein, Christian, c'est bien ça, au théâtre du Méridien. Oui. Donc ça, c'est situé... C'est du Fédo, c'est du Labiche. Je commence avec Eugène Labiche. Et ça, c'était merveilleux parce que nous étions 8 sur scène. Alors je ne te dis pas, la pagaille parfois. Et, oui. Mon Dieu, c'était trop. Je dis c'est bien aussi les pièces de théâtre parce que je dis souvent, c'est quand même assez... Il y a beaucoup de... De quiproquo des fois. Enfin, selon d'anecdotes. Plein d'anecdotes, voilà. Oui. Selon comment la pièce est écrite, mais et je veux dire. Tu montes sur scène et puis t'as oublié quelque chose. T'avais besoin de remonter sur scène avec tel objet. Tu dis, mais non, d'un chien. Et ça fait plus partie du texte. Oui. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Il y a plein de choses merveilleuses. Je sais que j'adorais regarder le théâtre. Alors, je refais le flashback. Tu reviens dans les années 70. C'était le petit théâtre. Non, c'était au théâtre ce soir. Oui. Au théâtre ce soir. Ça, c'était bien, ça. Alors, à l'époque, on avait une chaîne, deux, je ne sais plus. Et c'est pareil, on regardait. On regardait ça. Bon, maintenant, il y a plein de chaînes. Et puis, voilà. Non, c'est complètement... une belle époque. Non, mais ce que je veux dire, voilà, on regardait ça et on aimait bien. Donc, après, on aimait bien le théâtre. Je veux dire, maintenant, peut-être dans la jeune génération, je ne sais pas, peut-être que le théâtre... Non, je sais, on ne sait pas. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas répondre à leur place. Mais c'est vrai que c'était, et pour moi, ça, je te dis encore une fois, c'était très très bien. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à beaucoup de choses. Ouais. Déjà, l'école, c'est le maintien. Ça, on te remet en place. Hein, et la déclamation, on te remet en place. Hein, c'est avec le pouce sur la lisière du pantalon droit, et tu déclames, hein, les déclamations. Donc, ça t'apporte quand même beaucoup aussi. Oui. Pour la vie aussi, tout simplement, un peu de diction. Oui. Comme tu parles en anglais, tu as entendu Grey Jean Romero, tout ça. C'est très bon, la diction, ça n'est jamais perdu. Donc, c'est une bonne école, on va dire. Bien sûr. Je t'ennuie, là. Non, pas du tout, non. Non, tu sais, les années bonheur, donc on est sur les années bonheur. Bon, moi, j'essaye d'apporter de la bonne humeur. Mais ça se passe bien. Et ça se passe bien. Et en plus, on voit des petits mots gentils. Oui, voilà, je ne veux pas dire plus parce que les auditeurs n'ont pas le droit de le savoir. On n'a pas le droit de le savoir, non. Ah, ils ont le droit de savoir, bon d'accord. Bon, alors, ce qu'on va faire, oui. On va écouter une chanson. Christian, hein, parce qu'on avance un petit peu dans les nouvelles, hein, enfin dans les compositions, hein, c'est vrai que... Ça c'est une bonne idée. Ah, on a parlé des années 70, tout ça, voilà, bon, je pense qu'on va venir un petit peu dans le plus actuel. Alors bon, je connais, après j'ai un petit peu moins, enfin c'est pas que je t'ai moins suivi, mais je connaissais un petit peu moins les titres. J'ai eu de la chance. Oui. Alors, j'ai noté quand même... Si on écoute, Souviens-toi Nathalie, c'est un titre de 2012. 2012, c'est bien ça ? Oui, c'est une chanson allemande. Oh, j'ai fait le texte. D'accord, c'est tout. Il y a aussi Parler d'amour, où là, tu l'avais programmé, Parler d'amour ? Oui. Je sais pas si on a le temps, parce que Parler d'amour, c'est plus actuel encore. C'est plus actuel. Parce que je vois que le temps passe. Bien sûr, oui. Alors, si tu veux, on peut écouter Souviens-toi Nathalie, mais de toute façon, on va gérer. Ah, d'accord. On va écouter Souviens-toi Nathalie, et puis Parler d'amour après. Tu peux parler d'amour si tu veux. Déjà que t'envoies des petits mots. Donc, souviens-toi Nathalie. Les soirées d'été trop chaudes au lac de Garde, les copains qui se jouaient, les musiciens, la radio nous diffusait son avant-garde. Et nos yeux trop fatigués le lendemain. Comme tu vois, non, je n'ai rien oublié de nos tendres années. If you just put your head on my shoulder, souviens-toi, on dansait Nathalie, ces refrains mélodies que tu aimais chanter. Chanson d'amour de nos twenties, j'ai gardé dans le cœur quelques roses, un bouquet de bonheur Nathalie et des Champs-Élysées de Capri à Corfou. On avait rendez-vous. Si peu à peu le temps vient à gagner tes places, tes cheveux gardent l'éclat de tes 20 ans. Me retrouver sous ton regard que rien n'efface. Je me sens beau, je me sens jeune, tout comme avant. Comme toi, non, je n'ai rien oublié de nos tendres années. If you just put your head on ma chambre, souviens-toi, on dansait Nathalie, ces refrains mélodies que tu aimais chanter. Chanson d'amour de nos twenties, j'ai gardé dans le cœur quelques roses, un bouquet de bonheur Nathalie et des Champs-Élysées de Capri à Corfou. On avait rendez-vous. J'ai gardé dans le cœur quelques roses, un bouquet de bonheur Nathalie, des photos du passé emportées loin de tout. Que reste-t-il de nous et des Champs-Élysées de Capri à Corfou, on avait rendez-vous. Voilà, souviens-toi Nathalie. Oui. On vient d'écouter Christian. Non, je vais faire la petite, puisqu'on a Nathalie qui est avec nous là. Oui, justement. Oui, est-ce qu'il y a une par rapport à la chanson. Mais la chanson est allemande, comme je te disais. La chanson, d'accord. Ouais, c'est Nathalie qui me l'a fait écouter parce qu'elle connaît bien tout le monde de la chanson allemande. Allemande. Ouais. Und eine kleine, enfin bon, tu vois. Et alors, cette chanson-là, j'ai bien aimé et je dis bon, j'ai fait le texte écrit le texte assez rapidement, je dois dire. Ouais. Mais en revenant de Cologne, en revenant d'Allemagne, c'est quand même un peu drôle. Voilà, okay. Donc, c'est la petite anecdote. D'accord. Autrement, quand tu composes, quand tu écris, tu écris, en aparté, tu me disais, bon, tu t'es arrêté, tu avais noté quelques petites phrases qui t'avaient interpellé. Autrement, quand tu composes, c'est l'appel de la guitare. Ouais. Tu vois, il y a un moment donné, tu as envie de prendre la guitare et de sortir quelque chose. Et bien souvent, quelque chose qui sort. C'est comme si on te dit, prends ta guitare parce que tu as peut-être une bonne idée. Et voilà. Mais bonne idée, ça veut dire tube. Hein, ça veut dire chanson, bien sûr. Point, oui, hein, chanson, voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, et ouais. On tourne autour, puis on se met à écrire. Et voilà. C'est toujours un plaisir parce que c'est créer quelque chose. Hein, bien ou pas bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oui, je pense que ça doit être assez. Une fois que la chanson est en studio, c'est bien le guitariste qui fait des pickings, l'autre qui fait ceci. Donc ça, elle commence à prendre forme, la chanson commence à exister. Et là c'est un plaisir. Oui, ouais, c'est sûr. Et beaucoup de critiques aussi parce que. Moi, j'arrête pas de me critiquer. Je trouve que c'est pas bon, que c'est pas bien. Donc, tu rechanges des petites choses, tu revois des petites choses. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est ça. Ça fait partie du jeu. Bien sûr. Ben, ouais. Et puis bon, bien sûr, il y a le travail en studio. Oui. Bien sûr. Et puis aussi après, il y a la scène. Enfin, la scène. Après ça, c'est. Par la suite, quand tu présentes le titre, tu vois si ça va accrocher. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est bien. Avec la chanson Parler d'amour, j'ai aimé mon pote, là, Art Sullivan. Tu connais Art Sullivan? Oui, bien sûr. Et il me dit, tiens, j'ai écouté ta chanson Parler d'amour. Tu nous l'as fait aujourd'hui parce que j'aime bien. C'est pas mal. Ça me fait plaisir, tu vois. Donc il a entendu sur une radio et comme on était en spectacle à deux, enfin on était plusieurs. Oui. Parce que maintenant c'est un peu la nouveauté, c'est qu'on invite plusieurs artistes. Oui, cette époque-là. J'ai remarqué ça aussi. On est parfois 4-5 sur scène. Donc ce qui est bien. Toi, t'as vachement bien vieilli. Oh, toi, non, les mecs qui sont tout le temps en train de se critiquer. Oh, physiquement, qu'est-ce que t'as pris, quoi? Oh là là. Donc, non, mais c'est vrai, c'est sympa maintenant de retrouver plusieurs podiums, artistes sur une scène, quoi. Je veux dire, voilà. Et c'est pas plus mal, parce qu'à la limite, quand tu fais 4-5 titres, il y a du rythme. C'est un autre artiste qui vient et fait 4-5 titres, il y a du rythme. Bon, oui. Et les gens, il y a. Aussi, tu attires plus de monde parce qu'il y en a qui préfèrent un tel ou une telle. Si c'est une jeune femme. Bien sûr. Donc, il y a plus de monde dans la salle et tant mieux, on remplit. Oui. Et pour les artistes, c'est pas trop compliqué de chanter 5 chansons quand même. Oui, bien sûr. Donc, c'est un peu la fête, quoi. Ouais, ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. Puis bon, comme tu dis, vous avez l'occasion de vous retrouver. Certains artistes que vous êtes connus. Et puis, on se voit vieillir, quoi. On compte le nombre de rides supplémentaires. Alors, on va écouter cette chanson. Oui. Parler d'amour. Donc, qui date de 2015. Hein, c'est bien ça. Oui, je ne me trompe pas. On est déjà en 18. Ça fait quand même déjà 3 ans. Ça fait 3 ans. Oui, c'était en fin d'année. Donc, c'est juste. Une belle chanson. Voilà. Alors, on écoute Parler d'amour. Je suis pas bien fier. Je me sens mal dans ma peau. Trop de colère à toucher le ruisseau. Mes mots sont vides sous cette ombre fragile. À rester planté là. Attendre tout de toi. Viens dans mes bras parler d'amour. Désormais, il faut que je change. Les nuits, les sorties. Les bistrots, les fumées de matin tôt qui déchantent. Viens dans mes bras parler d'amour. Offre-moi donc ce doux courage. Je veux retrouver ma dignité, perdue dans un verre enivré, débordant de complaisance. Viens dans mes bras. Parler d'amour. corrigerai toutes mes erreurs. L'amour n'aura plus jamais peur. Je te promets une vie nouvelle. Viens dans mes bras, parler d'amour, mon ange. Viens te serrer tout contre moi. Même si le feu n'est pas bien chaud, que j'ai gâché le pain et l'eau, demain sera un jour nouveau. Même si le feu n'est pas bien chaud, demain sera un jour nouveau. Tu es mon plus beau cadeau. Parler d'amour, une belle chanson, Christian. Oui, il faut parler d'amour. Oui. Dans ce monde un peu violent, parlons d'amour. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, et puis on en a besoin. Absolument. D'amour, de musique, c'est très important. Comme tu dis, dans cette époque de folie, dans l'époque où on vit, c'est vrai que c'est formidable. Oui. Heureusement qu'on a ça. Quoi. Je veux dire, on pourrait sans ça, ça ferait tout bizarre. Oui, non. Tu sens cette espèce de truc qui commence à plomber la pièce ici. Oui, déjà qu'on est le 1er novembre. Essayons de mettre un peu de joie dans tout ça. Non, mais surtout qu'on a commencé fort quand même. On va pas quand même. Non, comme tu dis, on va pas. C'est parce que le soleil disparaît, hein, donc on a besoin d'en mettre un peu. On va en remettre du soleil, oui. Donc, on a parlé des chansons, on a parlé du théâtre, et tu es aussi. Écrivain. C'est le premier. Ouais, écrivain, c'est un grand mot. Ouais. J'écris un bouquin, voilà. Ouais. On va dire comme ça. Et quand j'arriverai à un million d'exemplaires avec le bouquin, alors je viendrai te dire bonjour. Parce que... D'accord. Donc c'est autobiographique. Ça s'appelle La Maison du Voyage Astral. Ouais. C'est une aventure que j'ai vécue. Mais par la suite, bon, il a quand même fallu que je romance un peu l'histoire. Il y avait d'autres personnages. Et ça commence comme ça pour les gens qui connaissent le voyage astral, et Dieu sait s'il y en a qui le connaissent depuis qu'il y a Internet. Je suis étonné du nombre de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. Oui, hein. Ouais, bien sûr. Et même, parfois, même mon boulanger, je dis bien le boulanger, quand il a entendu l'émission que j'avais faite à Bruxelles, et il m'a dit, j'en fais régulièrement, donc tu vois, c'est quelque chose comme boire et manger pour certains, pour d'autres ça paraît tout à fait. Donc c'est une méditation au départ, et sortir de son corps, et voyager. D'accord. Si tu fais un bon travail, tu peux, comme certains, comme ce monsieur là que j'ai rencontré, et puis j'ai lu d'autres bouquins par la suite, après mon beau livre en plus, parce qu'on me tient au courant maintenant de ce qui se passe, comme quoi, dès qu'on touche quelque chose, on bouscule un peu l'arbre, il y a plein de choses qui arrivent. Ouais. Et il y a des gens qui font ça régulièrement, moi pas, j'ai arrêté. Mais ce qui se passe là, c'est arrivé, donc j'avais déjà fait, hein, en 78 j'ai commencé à faire la méditation pour sortir de mon corps. J'y suis parvenu, j'ai récupéré très rapidement le corps, j'ai pas été bien loin, mais j'avais réussi ce que je voulais faire, donc après moult tentatives. Oui. Et puis voilà, donc... Maintenant, je l'ai romancé pour rendre ce livre attrayant, avec une histoire, avec l'énigme qu'il fallait, parce qu'il fallait quand même se demander où je voulais en venir. Oui. Et là, ça vient du roman. Ok. Voilà. Moi, je peux lire le... Tu peux tout lire. Mais je vais te l'envoyer parce que c'est le seul exemplaire. Donc, je lis juste, le résumé. Hein, c'est, pour nos auditeurs, nos auditrices. Hein. Alors donc, après avoir passé une nuit dans une singulière petite maison de pêcheurs à Gruissant, dans le sud de la France, un artiste chanteur est étrangement poursuivi, à lui de découvrir ce qui le hante. Est-ce une entité, une personne qui lui veut du mal, ou perd-il lentement la raison ? Exactement. Voilà, ça c'est un peu le croire, hein. Résumé. Ouais. Donc un roman fantastique et autobiographique, hein, entre l'imaginaire et le réel. Ouais, on peut dire comme ça. C'est ça. C'est ça. Et donc j'en avais fait quelques-uns, maintenant je les envoie, tu vois, il faut que je passe en presse de nouveau et en édition. Et les personnes qui l'ont lu, bon, il y a des personnes qui ne disent rien parce que ça ne les intéresse pas et qui pensent que c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus biographique sur la chanson. Oui, de plus biographique sur la chanson. Mais okay, non, ouais. C'est une histoire et on va dire Agatha Christie, il se passe des trucs. Donc il y a un petit suspense. Donc ils sont un peu déçus parce qu'on ne parle pas beaucoup de Christian Vidal, sauf que j'ai ajouté à la fin du livre quelques confidences, hein, des gens qui veulent en savoir un peu plus. Donc il y a quelques pages où je parle un peu de moi, oui. Mais pour le reste, c'est le roman. D'accord, ok. Et ça se passe à Gruissant, c'est une belle petite région. Donc tu vois ici la tour Barberousse, sur l'image. D'accord. Et ce qui est incroyable, que chaque personne quasiment qui ont lu le bouquin, ben, ils ont été en voyage jusque-là pour voir la rue. Ouais. Et pour voir la tour Barberousse, quoi. D'accord. Et donc, comme quoi un livre peut quand même faire bouger les choses. Bouger aussi les choses, ouais. C'est dingue. Ah, hein. Mais ça, j'aurais pas cru, par contre. D'accord. Voilà. Et les gens, certaines personnes très gentilles me disent, Christian, je l'ai lu en 2 jours ou en 2 nuits. Oui. Quand c'est que tu écris tout prochain? Donc ça, c'est encourageant. Oui, bien sûr. Et puis quand les gens me disent rien, je dis, oh là là, ils n'ont pas aimé. Oui. Mais bon, voilà. Mais justement, alors, question, il y a un autre livre en préparation? Est-ce qu'il y a quelque chose en préparation? Oui, je suis en train de me battre avec moi-même parce que... Oui. Je recommence et je repars du début et voilà, et on recommence. Et si je ne suis pas content, je deviens de plus en plus difficile, c'est comme dans tout. C'est comme dans la chanson, au début tu te laisses aller, oui. Tu chantes Angélique et ça se passe bien parce que tu n'as pas de... Il n'y a pas de barrière, tu te laisses vivre, tu respires. Ici, il y a quand même toujours des gens qui disent, j'ai un journaliste qui l'a lu, il me dit, tu sais, tu as quelques petites erreurs, tout ça. Donc maintenant, bien sûr, je commence à me dire, il a peut-être bien raison, qu'il y a peut-être quelques petites choses. Ouais. Et voilà, donc on devient de plus en plus difficile avec ça. Et donc je recommande. Et je n'ai peut-être pas encore trouvé exactement le sujet que. Voilà. D'accord. Mais ce sera quand même dans la même lignée avec le paranormal. Ouais. C'est du paranormal. C'est du paranormal. Oui. D'accord. Voilà. Alors, on va continuer à écouter une chanson. Oui. Alors, je regarde, oui, on regarde l'heure. Oui, on regarde l'heure, bien sûr. On regarde l'heure. Alors, sur ma petite playlist, alors, j'ai Voyage Tango Tango. Oui. Ça, c'est... C'est une chanson d'amour, un peu sensuelle, voilà. Ouais. Ça, c'était pendant mon petit parcours aux États-Unis où je disais que j'étais resté 6 semaines, mais j'avais une guitare sur place et j'ai écrit la chanson. La chanson, là, d'accord. Ouais. Alors, on s'écoute. Ça, c'est une chanson de pour situer l'année, c'est... Waouh, je suis parti en 2000, donc c'est années, après les années. Ouais, après les années 2000, donc. On écoute Voyage Tango Tango. Et ce manège qui nous avoue, s'en va et vient après tout. Est-ce d'un premier mot, le toucher sur la peau? Voyage tango, tango surtout, je partage avec vous. Comme un cadeau, plonger dans l'âme jouant les je te veux. Après quoi sans attendre et les yeux dans les yeux. On pourrait faire ensemble les premiers pas d'amour. Allons mais viens dansons et jusqu'au petit jour. Voilà, voyage tango, tango. Ah, oh, c'est un voyage ça, un peu voyage sensuel quand sensuel, même. Sensuel, mais c'est... Oui, oui, oui. Mais c'est bien parce que... On a besoin de chaleur, voilà, oui. Ça y est. Puis souvent je dis dans... Enfin, moi je vais pas en boîte, tout ça, c'est fini. Moi. Mais je veux dire, il n'y a plus de slow maintenant. Non. Christian, bah, on n'a plus de slow. Bah voilà, non. C'est parce bah, que vous avez... Est-ce qu'il y a encore... oui, mais non, on n'en sait rien tout compte fait. Attends, c'est voir ce qui se passe, les gens, ils passent quand même des trucs, je sais pas, ils bah, sortent quand même. J'ai eu l'occasion d'aller, la semaine dernière, il y avait Vosges Télévisions qui était sur, dans une auberge où ils tournaient ouais. Pour 1, 2, 3 danser, ça s'appelle. Ah, je connais, tu oui. Tu connais ? C'est ici, au Val d'Ajol, j'ai enregistré là. Voilà, à l'auberge des Rivales. Ouais, donc ouais, j'y suis ouais. Allé sur place pour faire 2-3 interviews. Je discutais avec des accordéonistes qui me disaient que les guinguettes, tout ça revient bien maintenant. Ça marche très bien. Ouais, c'est vrai que voilà, ça revient bien. Alors je dis voilà, c'est vrai qu'à une époque, on avait des slows, c'était bien pour emballer les nanas. Mais... oui, mais oui. C'est. Non, mais je dis voilà, non, c'est pour rigoler. Enfin, pour rigoler, non, c'est vrai. Mais je veux dire, voilà, je sais pas, maintenant, tout le monde pense que... l'un en face de l'autre, et puis quoi. On pense toujours que les hommes attendaient le slow pour oui, draguer, mais les filles attendaient. Hein. On va dire le quart d'heure américain. On va pas se mentir, elles attendaient ouais. Autant que nous, hein, et elles étaient là en train d'éprouver qu'ils j'ai pas envie de faire tapisserie, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'on disait à l'époque. C'est vrai, tout à fait. Et ouais. Comme il y a 7 filles pour un garçon, je te dis pas, oui. C'est toujours dangereux. On risque de faire tapisserie longtemps, voyez-vous. Mais l'époque quand même. Il y avait du boulot, hein. Il y avait du boulot. Mais il y avait du boulot. Il y avait du boulot. J'en transpire encore. D'ailleurs, toi aussi, je remarque. Bon, voilà. Alors, Christian, donc, quels sont... Alors, on va écouter, bien sûr, ton dernier... On écoutera tout à l'heure ton dernier EP. Oui. Ah, ça, c'est donc avec ça, c'est... Ton dernier EP, ton dernier CD. Non, parce que c'est présenté un petit peu comme... Oui, c'est fait. Non, non, je fais. C'est non, ça fait un petit peu, tu sais, cartonné. Ouais, non, ouais. Mais c'est pas péjoratif. Hein. Non, c'est non, pas péjoratif. Au contraire, c'est vrai que souvent les EP sont cartonnés. Il y a des fois 4 titres dessus, mais là. On revient, ils refont les CD comme ça, justement, pour donner oui. À nouveau cette envie de. Oui, je pense aussi. Oui, ouais, de l'époque. C'est sympa. Donc, Madison Chouchou. Ça, c'est le Madison, justement, pour l'été dansant, qui est accordéon, et voilà, c'est qui remarche voilà. Très bien aujourd'hui. Et quand je suis allé à l'auberge des Rivales, là, comme je te parlais tout oui. À l'heure, il y avait un artiste, Michel Monaco, je ne sais pas si tu connais, donc qui a aussi refait une chanson sur un Madison, tu vois. C'est vrai que ça reprend bien. Le Madison, ouais, les gens adorent. Voilà. Bien sûr. Alors, Christian, on a parlé de ton livre. Donc tu as un projet bien sûr de réécrire un second, voilà, on va voir ce qui va devenir. Voilà, donc il y a ce CD là, voilà. Oui. Est-ce que après il y a autre chose, tu as d'autres Non mais comme je te disais hors antenne, oui. Donc il était prévu que je fasse la tournée à Stendre. À Stendre, ouais. Et malheureusement même pour lui surtout monsieur Alguet a eu un gros problème avec c'est des problèmes intérieurs, c'est un problème d'argent avec la SACEM, les déclarations, je sais pas trop bien quoi. Donc il a dû faire déclarer faillite et là malheureusement c'est l'année où j'étais engagé quoi. Ah oui, c'est... Donc c'est parce qu'on parlait de Pierre Charby et oui. J'étais le revoir là-bas à Dunkerque en 2014 et c'est là que je l'ai revu et donc moi je vais faire l'année qui suit. Oui. Et non. Donc ça fait quelques années que j'attends pour faire cette tournée. Cette tournée, oui. Et maintenant c'est Monsieur De Chavannes qui a repris le flambeau. Oui, Christophe De Chavannes. Donc, là j'attends. Bien sûr. La demande est faite, mais il y a tellement de chanteurs qui... Ouais, ouais. Qui sont choisis. Bon, voilà. Donc, j'attends, mais qu'il ne faut pas qu'il attende trop longtemps. Oui, trop longtemps. Oui, c'est sûr. Non, mais je pense que très sincèrement, et parce que j'étais fan, et je le suis toujours. Oui, oui. Christian, je pense que tu as ta place dans cette. Oui, non, c'est vrai que tout comme Pierre Gerbier. On y était allé voir à Chetendre quand Pierre était là. Et il m'a dit qu'il dansait. Il y avait une danseuse. Non, mais il faisait un slow tout en dansant. Il chantait donc sur sa chanson You. Donc, toutefois, s'il nous écoute, je leur fais un petit coucou avec eux. On leur fait un petit coucou avec Cathy. On a eu l'occasion avec Pierre de faire des émissions par téléphone, tu sais, sur les crooners. On a fait trois émissions ou quatre émissions sur les crooners, tu vois. Tous les deux, comme ça, voilà, on choisissait, c'était sympa. Et bon, ce qui me désolait un petit peu, c'est que sur Ashton, je veux dire, il a fait qu'une chanson. Après, c'est vrai que c'était la production, je suppose. Si tu peux déjà faire partie de cette aventure, je pense, c'est déjà un cadeau. C'est déjà bien. Il y a tellement de chanteurs. Oui. Puis bon, on va très loin, on va pas que dans les années 70, on va encore plus loin. Oui. Donc, il y a des chanteurs Mais tu penses pas qu'il y en a quand même quelques-uns qui étaient un petit peu favorisés? Je ne vais pas donner de nom. Oui, mais c'est quand même des têtes d'affiche. Oui, il y a des gens comme, on va dire, comme Sheila, qui d'affiche. C'est toute la jeunesse, c'est les yéyés. Oui, mais je pense qu'on aurait peut-être pu partager un petit peu plus, tu vois. C'est mon avis de fan, de spectateur, de je sais pas, tu vois, voilà. Oui, peut-être, mais je pense qu'il y aura toujours donc ces espèces, les locomotives, Dave, Sheila, quelques-uns, et puis on continue avec des chanteurs qui ont fait des choses, mais moins connus. Bon, moins de titres numéro 1, je veux dire comme ça, ça remplit quand même bien la scène. Ah bah oui, bien sûr. Et encore une fois, si c'est pour chanter un titre, c'est magnifique de faire partie de l'aventure. Je pense, quand même. Ouais, tu chantes l'après-midi, tu chantes le soir. Le soir, en fait, ce qui est le plus long, c'est d'attendre. Oui, c'est comme tu vas chez le médecin, à quelle heure que je peux passer le docteur donc c'est. Oui, c'est vrai c'est un peu long, quoi. Oui, puisqu'il y a il y a l'après-midi, le toute soir. Toute la journée, voilà, c'est vrai que pour chanter une chanson. Après, bon, c'est vrai, comme tu dis, c'est quand même déjà une chance quand même d'être présent. Enfin, si on peut être là. Même pour une chanson. En plus de ça, il a quand même des émissions télé. Sheila, on en parle beaucoup. J'ai encore vu qu'elle est à la une dans je ne sais plus quel journal. Donc, ce sont quand même des gens qui. Des locomotives, qui font que la tournée fonctionne aussi. Et pour un producteur qui investit beaucoup d'argent, il faut qu'il y ait du monde. Il faut qu'il y ait du monde, bien sûr. je pense que ça marche bien quand même. On est. Je pense que ça a été une bonne idée, ça, ces concerts-là. Si on parle des tournées des années 80, pour les artistes des années 80 qui ont... C'est un créateur, Michel. C'est un créateur, parce que j'ai entendu que maintenant, il travaille avec Laurent Voulzy, pardon. Ah oui, c'est possible. Ils font toutes les églises ou cathédrales de France. Avec lui, qui a une voix exceptionnelle et guitariste exceptionnel. Oui, bien sûr. Ouais. Avec cette espèce de profondeur qu'on peut trouver, et l'écho, et la réverb qu'on peut trouver dans les églises. Dans les églises, bien sûr. Et ça, c'est encore une création de Michel Alguier. D'accord. Donc le gars, il est quand même au départ de beaucoup de bonnes choses. De bonnes choses, c'est vrai. Il fait aussi des matchs de catch, mais ça n'a rien à voir. Ben oui. Donc, Christian, alors, ce CD est tout frais. Non, je ne l'ai pas fait ce matin, tu peux prendre en main. Hein. C'est pas un petit sandwich du matin. Il a été. Ça, c'est déjà un renouvellement. Un renouvellement, d'accord. Donc, autrement, des scènes, des concerts, des choses prévues. Ça se fait petit à petit, mais je les annonce toujours petit à petit, parce que ce n'est pas la peine d'annoncer trop à l'avance, parce que les gens, ils vont dire, mais on va plutôt aller le voir là que là. Oui. Alors, je préfère les voir plus souvent. Donc, j'annonce fur et à mesure le mois qui vient. D'accord. Et je suis content de les revoir, parce que j'ai besoin de mes fans quand même. Oui, je peux dire que ça va. On ne remplit pas 2000 personnes, hein, mais déjà, si on en a 200, on est très content. C'est déjà maintenant c'est vrai que, bien sûr, oui, bien sûr. Je dois les payer pour qu'ils viennent, mais ça, on ne va pas le dire sur antenne, bien sûr. On va pas le dire. Ok. Voilà. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on écoute. Telle heure il est. Ah oui, 17h20, je pense que oui, on va écouter Madison Chouchou. Oui, je ne sais pas pourquoi tu es en train à 7h20. Chouchou. Pourquoi tu vas me dire que j'ai encore mal prononcé? Il est 7h20, on va prendre le train pour le tchou-tchou. Ben oui, si tu veux prendre, on peut y aller. Oui. Non, mais il faut qu'on écoute cette chanson. Avec grand plaisir. Voilà, on écoute. J'ai un Madison qui me tourne dans la tête. Une soirée de joie, une soirée de fête. Toi qui me regardes et moi qui m'attarde. Mais quel doux sourire accroché à ton visage. Je ne sais que dire, je change mes pas. Je vais m'avancer pour me rapprocher de toi. Un air de country qui danse et cadence ma vie. Choo-choo train. Le chou-chou de tes rêves. Je ne sais que dire, je suis près de toi. J'ai pris sans retour le ticket de l'amour. Un air de country qui danse et cadence ma vie. Chou-chou train. Laisse-toi guider ce soir. Laisse-toi guider ce soir. Chou-chou train. Chou-chou train. Rose rouge. On dit que ce sont les fleurs qu'on offre avec le cœur. Prélude au bonheur. Chou-chou train. Voilà, Chouchou Train. Oui, enfin, je donne le. Madison Chouchou. Ouais, tu vois, c'est fabuleux. Hein, voilà, c'est ça j'aime bien, moi. Voilà. Oui. Donc, voilà, question. Alors, l'émission se termine tout doucement, oui. Ça passe vite, hein, 17h24. C'est ça, le temps passe. Le temps passe, hein, voilà. Donc, j'espère qu'on a fait un petit peu le tour de ta carrière. Fait, c'est très fait, bien, hein, voilà, oui. On a fait le... Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a bien ri. On a bien ri. Et on est très contents. On a bu de l'eau, on était très sérieux. Oui, absolument. Donc ça s'est très bien passé. Merci à Marc, surtout, d'être... D'avoir été présent sur cette journée. Sa présence, oui. Merci. Moi, je voulais te faire un petit bonjour de Mado, parce que Mado, savait que je te recevais, un bisou de Mado, voilà, je transmets, il ne faut pas que j'oublie. Non, tu ne dois pas me faire le bisou, je prends comme oui, ça. Oui, tu prends comme ça, ouais. D'accord. Je transmets. Oui, je transmets. Merci. Donc voilà, alors Christian, merci d'avoir fait la route. Oui, mais c'est Nathalie qui a roulé, c'est pas moi. Oui, d'accord, Nathalie, bien sûr. C'était un grand plaisir. On a eu de la pluie pour venir et malheureusement, je crois qu'on va peut-être avoir de la pluie pour le retour, mais bon, c'est pas bien grave. Ça devient un petit peu, limite, mais bon, c'est l'hiver. Bien sûr, c'est l'hiver. On peut faire autrement. Voilà. Comment ça s'est bien passé? La route s'est bien passée, l'émission s'est bien passée. Merci beaucoup. J'en suis content. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir parce que, comme je te dis, j'étais fan et je suis toujours fan. Tant mieux. C'est vrai que, l'émission. Comme on disait, il y a eu les années 80, on a un petit peu perdu certains de nos artistes qu'on aime bien, hein, c'est vrai, parce que il y a eu ce creux de la vague, il y a eu la période disco, tout ça, etc. Mais après, ça ferait vraiment plaisir de vous retrouver. Il y a un humoriste néerlandophone, hollandais, je crois. Qui présente une ligne, tu sais, médicale comme ça. Hein. Donc il fait la ligne de cardiaque. Hein, il y a cette barrette qui monte et qui descend. Ouais. Et quand la ligne elle est droite et horizontale, c'est que c'est le jour d'aujourd'hui, c'est le jour de mort. Et la vie, c'est ça. Ça monte et ça descend, autrement tu ne vis pas. Que ce soit pour un chanteur ou pour un autre métier. D'accord. Ouais. Alors écoute, encore un grand merci. Merci à toi. Moi, je te souhaite beaucoup de... Merci, merci à vous. Merci, quelle acclamation. Je te souhaite beaucoup de succès pour cet album. Mais oui, on espère aussi. On est contents comme ça. Ouais, une bonne continuation, une bonne route pour le retard. Le retour, d'accord. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup, de votre Christian. Accueil. Merci. Alors, amis auditeurs, auditrices, j'espère que l'émission vous aura plu. En ce jeudi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Portez-vous bien. Bye bye à tous. Au revoir. Tes volets, à nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Le C'est la musique, c'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique, même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Sans amour, les départs sans retour, pour tous les silences qui nous tournent autour. J'ai la bonne solution, simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson.